للمدرسين. Donc là, il est majrour à cause du lam harf jar wa alamat jarri al ya. دخل 20 طالبا. Il est où le fa'il là? Aina dakhala 20 طالبا. 20 étudiants sont rentrés. Aishrun, non, c'est pas Taliban. Donc il est marfou, il prend les, comme je dis, il prend les mêmes règles que le Jamzakar Salim. Donc il est marfou, ou alamat rafi, al-waw. Et Taliban, c'est un tamiz. Taliban, c'est un tamiz. Sa'altu 20 Taliban. J'ai interrogé 20 étudiants. Donc là, 20, il est mafoul bihi, mansoub, ou alamat nas bihi, al-ya. Qultu li 20 Taliban. J'ai dit à 20 étudiants. Donc là, 20, il est majrour à cause du lem, harfja, ou alam tujari, al ya. Taïb. Mafouma là. Ça dit, ça nous dit, accumule les jumelles atiata bi wad al kalimat il lati bena kousein fi amakin il khaliya. Donc il dit quoi? Tu mets des mots qui sont entre parenthèses dans les trous. Mathalen, ça el tu, el mudorrisina. À la base, ça avait mudorrisina entre parenthèses. Donc là, ils ont mis quoi, mudorrisim? Et tu mets que l'irlob, la vraie irlob qui correspond. تفضل الجمله الاولى هي تخرجوا لها ان شاء الله استقبل نعم يحب المدرس الطلاب المجتهدين نعم احسنت دونك لو بروفيسور ام لي زيليف سيو نعم pourquoi la mujtahidin il est son pourquoi parce سانات نعم سانات الطلاب اللي ما فول بيه احسنت ثانيا رايت 30 طالبا نعم يعني j'ai vu 30 élèves. Pourquoi il est mansoub? Parce que c'est mansoub. Parce qu'il est mafoul bihi. Ahsant. Thalithan. يعني يحب الله المسلمين. يحب الله. نعم. المسلمين. نعم. Tu pensais que j'avais dit ha? Non. De loin j'ai entendu. يحب الله المسلمين. Oui, j'ai entendu ha de loin. Pourquoi musulmin il est mansoub? C'est mafoul bihi. Ahsant. Rabi'an. يعني قرأت 50 صفحة. J'ai lu 50 pages. Faut pas dire safhata. Ou tu dis 50 safha à safhatan. Tu peux dire safhata. Parce qu'il n'y a pas d'alif. Sur le temar bouta. Ah, donc tu dis safha ou safhatan. Avec le tanouim directement. Safhatan. Tu dis, tu t'arrêtes sur l'alif quand c'est un mot qui prend un alif tanouim. Mais avec le temar bouta, il n'en prend pas. Toyeb. Khamisan. سألت المهندسين. نعم. مهندسين منصوب بقى. شو سامحهم بي. طيب. سابعا تأمل المثال ثم أضيف الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين قوسين. Donc là il veut que tu fasses quoi? Un modaf modaf ilay. Et les mots qui sont entre parenthèses, tu les mets modaf ilay. Par exemple, il dit أبناء المدرس. طيب donc là أبناء il est modaf et المدرس il est modaf ilay donc il est majrour. Si tu mets avec le jamu dhakar salim, tu vas dire quoi? أبناء المدرسين. Là, il est majrour parce qu'il est mudaf ilay. Tayyib. Jumal oula. Bouyout, entre parenthèses, muhandisoun. Comment tu dis? Bouyout al-muhandisin. Non, les maisons des ingénieurs. Seyyarat al-mudarrisouna. Seyyarat al-mudarrisin. Non, les voitures des enseignants. Emir al-mu'minouna. Comment tu dis? Emir al-mu'minin. Non, le chef des croyants. Imamu al-muslimouna. Imamu al-muslimin. Non. L'imam des musulmans, ou le guide, ou le chef, ça peut être aussi le chef, le gouverneur. Khamisan, Dakakin al-Baqaloun. Dakakin al-Baqaloun. Nam, les boutiques des épiciers. Dinu al-Kafiroun. Dinu al-Kafirin. Nam. Taïeb. Faminan, ta'amel al-Misael, soumakmil al-Jumal al-Atiya, biwad al-Kalimat al-Ati bin al-Kosayn, fil faragat. Donc là, pareil, il veut que tu mettes les mots qui sont entre parenthèses dans les trous. Mathalan dit Qultu lil mudarrisi. Donc là, le mudarrisi va être quoi? Majrour à cause du lam. Et là, il le rend quoi en jamu dhakar salim. Donc tu vas dire quoi? Qultu lil mudarrisina. Donc là, il est majrour. Wa alamat jarrihi alia. Tfaddal al-jumla al-oula. Abhathu anil mudarrisin. Non, je cherche les professeurs. Ishtaraytu hadha al-kitab. بي 50 ريال نعم جاشتي سليف بور 50 ريال قلت للمهندسين جي دي aux ingénieurs سمعت هذا الخبر من المدرسين j'ai entendu cette information des professeurs

C'est mieux, tu veux dire quoi? Ihda ou Aishruna Talibatan, par exemple. 21 étudiantes. Donc lui va être féminin comme le dénombré. Le dénombré c'est Mardoud, c'est Taliba. Donc lui va être Ihda ou Aishruna Talibatan. Tu dis Isnatan ou Aishruna Talibatan pour dire 22 étudiantes. Tu dis pas Isnan, tu dis Isnatan. Isnatan c'est le féminin ou Isnan c'est le masculin. Tu dis Falafun, bitanwin, ou Aishruna Talibatan. Donc là, Falaf, il est quoi? En apparence, Muzakkar. Pourquoi? Parce que Taliba, il est moins neuf. Donc là, on reprend les règles du début. Il va contredire. Et vice versa, hein. Ça aurait été des. Voilà, ça aurait été masculin et lui, il aurait été féminin. Par exemple, on dit Falafatuna ou Aishruna Taliban. Ça aurait été le contraire. Ça, ils vont préciser, hein, pour aller, non? Après, dans le prochain verset, ils vont le mettre. Après, ils disent quoi? Arbaoun ou Aishruna Talibatan. 24 étudiantes. Khamsun ou Aishruna Talibatan. 25 étudiantes. Settun ou Aishruna Talibatan. 26 étudiantes. Sab'un ou Aishruna Talibatan. 27 étudiantes. Samani ou Aishruna Talibatan. 28 étudiantes. Tis'un ou Aishruna Talibatan. 29 étudiantes. Salathuna Talibatan. 30 étudiantes. Et quand il est rond, tout seul, il n'y a pas de différence. Mouzakal Mouannas, il y a ce pareil. Aishrun, Salathun, Arbaoun, Khamsun. Ainsi de suite. Donc maintenant, il va vouloir quoi? Il dit, Hadashar, Ikrama Yali, Summaktubuhu, Maakitabatil Ardad, El Walida, Fiibil Khorof. Donc là, tu vas faire comme le verset précédent, sauf que là, tu vas prononcer. Et attention au Tanwin. Taïeb. Jumal Oula, Faddal. De toute façon, ils sont tous féminins, je crois. Non, dans cette classe, il y a 31 étudiants. Fanyan, celui qui est à côté. Filium. Filium, Arbaoun. Arbaoun, Aishroun, Asa'atan. Non, dans la journée, il y a 24 heures. Andi. Andi, Salatun, Salatun, Salatun, Rubiyatan. Non. Wahamsun, Wahamsun, Arbaoun, Rialan. Non. Mais Rial, je ne sais pas s'il est. Apparemment, ils veulent mettre féminin, je ne sais pas comment il était féminin à Rial. Rien, charmant. Rabi'an, il dit, ah ouais, j'ai 33 roupies et 45 Rial. Yannou, je me confie, non? Non. Ra'aytuhu qabla... Qabla itnatayn. Qabla itnatayn. Hein, qabla itnatayn. Là, si tu vois, Sil? Tu fais la raison, tu dis Kobla Snatain. Est-ce que tu mets ta tête Kobla Snatain? Kobla Snatain ou Ashrina Sanatan? Non, je l'ai vu il y a 22 ans. Hafistu Situn ou Situn ou Sittina Suratan? Là. Où j'en fais? Hein? Vas-y? Là. Comment ça? Hafistu? Hafistu, aïe voir. J'ai dit. Sittin. Kobla Hada. Quoi? Hafistu. Hafistu. Hafistu. Allez voir. Pourquoi, c'est quoi l'erreur que j'ai dit? Sitten ou Sittin à Soura. Hein? Là, il va être ma faute bille. Donc, il va être en soupe. C'est fini là. Il n'est plus ma faute. Hafistu. Sitten ou Sittin à Soura. Ah, tu parlais Soura là, c'est là où j'ai fait. Non. Tu l'as mis ma faute, toi. Là, il m'a faute bille maintenant. Non, j'ai dit Sittin ou Sittin. Ah ben, c'est ça que je te dis. Tu dis pas Sittoun ou Sittin, tu dis Sittin ou Sittin. Les mansoub, avec une fatha. Ah, avec une dhamma. Ah oui. Vraiment. Sittin, là, tu parlais sur Sittin. Ah oui. Sittin ou Sittin à Soura. Je ne l'ai pas fait. Tu as dit Sittoun. Avec non, une. Sittin, non, non, Sittoun. Non, je le pense... premier. Le voilà. Premier, tu as dit. Tu as mis Marfou avec une dhamma. Voilà. Donc c'est Sittin. Mais je ne suis pas plongé dans le deuxième. Sittin ou Sittin à Soura. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Non, fi Soura Tir Rahman. Surat al-Rahman. À chaque fois, je les confonds. C'est le 8 ou le 7. 78. Ouais. Fi Surat al-Rahman. 80. Non. Hein? Non. Ayatan. Non. Dans Surat al-Rahman, il y a 78 versets. Qara'tu. Qara'tu. 90.